Une miette de gens. Une miette de gens. Une miette de gens. Et beaucoup d'histoires. Une miette de vin et beaucoup d'histoires. Épisode 10. Quelque part entre le bois de la haie Kiverless et l'ombre fumeuse et terricarolo se trouve un champ. Ce champ, les gens du village l'appellent Léhi, Léhi comme abandonné, mais il aurait pu tout aussi bien l'appeler El Chant del Diable. En effet, il court une rumeur à propos de ce chant. On raconte qu'un jour, le diable a eu la grande chance de devenir père de 7 petits diablotins. Les 7 tuplés, tout aussi malicieux que leur père, font nombre de bêtises, mais aussi un boucan d'enfer. Et oui, tout se multiplie par 7. Et les joies et les peines. Le patriarche, un soir, n'y tenant plus, expédie sa progéniture sur terre. Là, très vite, les enfants rouspètent. Et qu'il fait chaud, alors petit papa change de lieu. Et qu'il fait froid, alors petit papa les déplace ailleurs. Et qu'il pleut, alors petit papa les emmène autre part. Et qu'il vente, et ainsi de suite sans jamais tous les satisfaire. C'est le diable, certes, et il est difficile d'avoir de la peine pour lui, mais quand même, cela va durer pendant des mois et des années. Que peut-il faire pour avoir enfin la paix? Une nuit, alors qu'un des diablotins hurle à la lune son désespoir et sa haine envers son père, Lilith, la mère des petits démons et épouse du diable, dit « Enfin, Belzé, quand vas-tu trouver une solution? Je n'en peux plus de les entendre se plaindre. » C'est parler, voyons, et trouve pour chacun un lopin de terre où ils seront bien si tu ne veux plus les avoir à la maison. Mais bien sûr, ma diablesse adorée, tu as raison, les séparer. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? C'est ainsi que Lucie, élue domicile dans le champ de Firmin, elle le trouve à son goût. Il y a de l'ombre donnée par les grands peupliers. Il y a du soleil dans les espaces dégagés. Un petit ruisseau coule au bout de la parcelle. Des fleurs, de l'herbe tendre ou s'allonger. Puis Firmin est vieux et ne s'occupe plus vraiment du terrain. Personne ne viendra la déranger ou tenter de la déloger par un quelconque exorcisme. Le temps passe pourtant et cette tranquillité la lasse, l'ennui la ronge. Que faire de ces longues journées sans ses frères et sœurs? Une occasion de se distraire se présente avec Toine. Toine passe déjà depuis plusieurs semaines devant le champ. Il s'arrête quelques instants, soupire et repart. Lucie sait à quoi il rêvasse. Lorsque les yeux perdus dans le vide, il s'arrête devant cette terre. Il rêve de la cultiver. Il sait que c'est une bonne terre d'où il pourrait tirer pas mal de bénéfices. D'autres dans le village le pensent aussi, mais n'osent s'y atteler. Pourquoi ? À cause de la rumeur, celle qui flotte autour du champ, il porte malheur. Les circonstances singulières de la mort de Firmin ne sont probablement pas étrangères à cette réputation. Effectivement, Firmin est mort d'une crise cardiaque en posant le pied sur son champ. Les hommes des pompes funèbres qui étaient allés le chercher sur ses terres ont eux aussi souffert d'un étrange mal, une horrible diarrhée qui les a cloués au essai jour et nuit pendant quelques jours. Personne à présent n'ose s'approprier ce lopin. La rumeur a bien des conséquences. Et que Lucie soit pour quelque chose ou pas dans cette affaire, libre à chacun d'en juger. Les faits pourtant sont là. Et ce que je vais vous raconter ne va probablement pas arranger les choses. Toine, après avoir réfléchi longuement, pesé le pour et le contre, et surtout s'être fait licencier de la fabrique où il travaillait depuis des années, s'en va avec une bêche sur le champ Léhi. Avant d'y poser le pied, il respire un bon coup et se lance dans l'aventure. Rien. Il ne se passe rien. Alors Toine, soulagé, commence à bêcher. Mais c'est sans compter sur le pouvoir un chouïa maléfique de Lucie. Je ne sais par quel tour de magie, mais elle fait sortir un djinn du sol. La terre se crevasse et un homme grand, fort et musclé apparaît devant Toine. Dans sa main, une bêche. Et le djinn commence à bêcher la terre. Toine, tout d'abord effrayé, commence à se détendre. Finalement, ce n'est peut-être pas un champ maudit. Au contraire. Avec l'aide du djinn, la terre est très vite retournée. Toine est heureux de cette situation. Il se dit qu'il reviendra demain avec des graines pour semer. Et c'est ce qu'il fait. Le lendemain, il pose le pied sur cette terre avec un sac de graines dans les mains et commence à semer. Comme la veille, la terre se crevasse et cette fois, 10 djinns apparaissent chargés de sacs de graines et ils commencent eux aussi à semer. Là aussi, le travail progresse rapidement et Toine rentre chez lui content. Cette humeur n'échappe pas à sa femme Margot qui le questionne. « Toine, pourquoi sembles-tu si heureux ?» Au début, Toine n'ose lui répondre et se dérobe. Mais Toine, chaque jour, sort de la maison et se rend au champ. Il voit que cela pousse et imagine l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Il brille de bonheur et au bout de quelques semaines ne se tient plus. Il raconte tout à Margot. Margot ne réagit pas vraiment bien à l'aveu de son mari. Elle est superstitieuse et craint les foudres du bon Dieu. Elle supplie Toine de cesser de cultiver le champ. Toine se moque d'elle, mais pour avoir la paix, dit à Margot ce qu'elle veut entendre. « Oui, mon amour, plus jamais je ne cultiverai ce champ. » Soulagée, Margot reprend le cours de sa vie. Toine, lui, se rend chaque jour au champ pour surveiller ses plantations. Il sera bientôt le temps des moissons, et Toine se frotte déjà les mains. Mais c'est sans compter sur la malice de Lucie qui compte bien ne pas lui faciliter la tâche. Elle envoie une horde d'oiseaux affamés survoler la culture. Toine aperçoit la nuée, court à la maison chercher casserole et louche et revient sur le champ effrayer les voleurs. Comme les autres fois, la terre se crevasse et 100 djinns sortent de la terre armés de casseroles et de louches. C'est un vacarme sans nom. Plus un oiseau à l'horizon et cela à des kilomètres à la ronde. Toine, heureux, rentre chez lui. Mais dans sa précipitation et dans son enthousiasme à sauver son champ, l'homme s'est bloqué le dos. Il rentre donc qu'à la maison. Margot s'inquiète de son état et l'oblige à rester au lit. Toine ne résiste pas, il souffre trop. Il s'inquiète pourtant pour son champ. Alors il appelle Bruno, son fils. « Oh, mon petit colo, j'ai besoin de toi. Va au champ, Léi, avec cette casserole et cette louche. » Et si tu vois un oiseau, fais du bruit pour l'effrayer. Mais surtout, surtout, surtout, surtout, surtout, ne mets pas le pied sur le champ. Tu me le promets ? Bruno acquiesce et s'en va. Il arrive au champ, se poste en bordure et scrute l'horizon à la recherche de volatiles. Rien. Pas une plume, pas un insecte. Très vite, il s'ennuie. Alors, pour passer le temps, il arrache un épi de blé du champ et s'en fait un sifflet. Mais la terre se crevasse et 1000 djinns apparaissent. Chacun arrache un épi et s'en fait un sifflet. Bruno, effrayé, recule et se retrouve impuissant face à ce spectacle. Pendant ce temps, le père inquiet s'est discrètement levé et chemine vers le champ. Il arrive au moment du drame et court vers les djinns. Bruno voit son père et le rejoint. Toine ne réfléchit pas et dans une énorme colère donne une claque à son fils. Trop tard, la terre se crevasse et 10 000 djinns sortent de terre et se positionnent en file indienne et donnent chacun une claque au fils. Le père, voyant Bruno transformé en punching ball, s'arrache les cheveux. Et la terre se crevasse et 100 000 djinns apparaissent et arrachent les cheveux de Toine. Margot suit de peu son mari. Elle l'a entendu sortir. Lorsqu'elle arrive au champ, elle voit son fils défiguré, son mari chauve et tous ses djinns. Alors, sa première réaction est de pleurer de colère. Et la terre se crevasse et 1 million de djinns apparaissent et commencent eux aussi à pleurer de colère. Et les larmes coulent et se transforment en ruisseaux et en rivières, inondent le champ, le village, la région. L'eau se déverse et emporte tout sur son passage. Lucie rit. à gorge déployée, d'un rire sonore et tonitruant. Toine et sa famille ont été d'une grande distraction. Quel divertissement, mes amis. Cependant, comme tout caprice, cela ne réjouit qu'un temps. Et à nouveau, Lucie se lasse. Elle renvoie les jeans, laisse Toine chaud, Bruno et Dante tuméfiés, Margot cernée et bouffie, et de nombreuses régions sous eau. Un courrier intercepté à l'époque s'étonne d'ailleurs de la situation. « Cher Pierre, j'ai enfin le temps de t'écrire ces quelques mots. Nous allons bien. » Ouf, il s'en est fallu de peu. Nous n'avons certes pas eu le temps de nous préparer à cette inondation qui est arrivée sans prévenir, mais nous sommes saines et sauves. Rassure grand-mère. Tout s'est passé très vite ici. La place verte, d'un coup, a été inondée, ainsi que quatre rues autour. L'église s'est retrouvée rapidement dans un espèce d'îlot. Une infiltration d'eau dans la digue de la Sambre canalisée s'est très vite élargie et à 7 heures du soir, elle a cédé. L'ancienne et la nouvelle Sambre se sont réunies dans un vacarme aquatique. Ce qui est assez perturbant, c'est que lorsque nous regardons au loin, nous avons l'impression d'être à la mer, de l'eau et des bateaux à perte de vue autour de nous. Drôle d'histoire que tout cela. Heureusement pour nous, nous avons trouvé refuge sur le bateau de Tom. Il nous a gentiment mené maman et moi en lieu sûr. Ne t'inquiète donc pas. C'est incroyable quand même. Tout ici est enseveli sous au moins 5 mètres. Nous l'avons échappé belle, mais nous sommes en vie. C'est ce que répète maman. Il nous faudra pour sûr de l'huile de coude pour retrouver notre maison et t'accueillir à nouveau toi et ta famille. Mais rassure-toi, nous sommes bien entourés et la solidarité est de mise. Je t'écris au plus vite pour te donner davantage de nouvelles. D'ici là, prends soin de toi et des tiens. Donne un tendre baiser sur le front à grand-maman de notre part. Ta petite sœur, Jeanne. En ce qui concerne Lucie, bien loin des préoccupations de Jeanne, Pierre, Toine, Margot et Bruno, fatiguée de tant d'actions, elle est rentrée chez son père lui casser à nouveau les pieds et les oreilles. Le chant, quant à lui, est resté laid, victime de sa notoriété. Plus personne n'a osé le cultiver, sait-on jamais. Nous ne sommes pas à l'abri d'un diablotin qui s'ennuie dans les enfers, ou d'un père diabolique excédé. Après tout, ne tentons pas le diable, n'est-ce pas? Moi